ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Je danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Et c'est mon tour. Je danse avec